je ne me verrai point préféré de rival. Enfin, tous tes conseils ne sont plus de saison. Serre ma fureur, Œnon, et non point ma raison. Il oppose à l'amour un cœur inaccessible. Cherchons pour l'attaquer quelque endroit plus sensible. Les charmes d'un empire ont paru le toucher. Athènes l'attirait, il n'a pu s'en cacher. Déjà de ses vaisseaux, la pointe était tournée, et la voile flottait au vent, abandonnée. Va trouver de ma part ce jeune ambitieux, Œnon. Fais briller la couronne à ses yeux, qu'il mette sur son front le sacré diadème. Je ne veux que l'honneur de l'attacher moi-même. C'est donc lui ce pouvoir que je ne puis garder. Il instruira mon fils dans l'art de commander. Peut-être il voudra bien lui tenir lieu de père. Je mets sous son pouvoir et le fils et la mère. Pour le fléchir enfin, tente tous les moyens. Tes discours trouveront plus d'accès que les miens. Presse, pleure, gémis. Plains-lui, Phèdre mourante. Ne rougis point de prendre une voix suppliante. Je t'avouerai de tout. Je n'espère qu'en toi. Va, j'attends ton retour pour disposer de moi. Ô toi qui vois la honte où je suis descendu, implacable Vénus, suis-je assez confondu? Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté. Ton triomphe est parfait. Tous tes traits emportés. Cruel, si tu veux une gloire nouvelle, attaque un ennemi qui te soit plus rebelle. Hippolyte te fuit, et bravant ton courroux, jamais à tes autels n'a fléchi les genoux. Ton nom semble offenser ses superbes oreilles. Déesse, venge-toi, nos causes sont pareilles. Qu'il aime. Mais déjà tu reviens sur tes pas, Œnon. On me déteste, on ne t'écoute pas.